Chapitre 8 Les ennemis de la lecture. J'appelle ennemis de la lecture non pas les multiples choses qui empêchent de lire et dont il faut reconnaître que la plupart sont excellentes, études scientifiques, vie d'action, sport, etc. Il est évident que notre temps n'est pas et ne peut pas être celui des liseurs. Ce que les anciens appelaient d'un mot charmant « umbra tillis vita » n'existe plus guère. Presque personne n'a plus le temps de s'enfermer à l'ombre pendant plusieurs jours pour lire un livre. Le livre n'est plus lu que morceau par morceau, 20 pages par 20 pages, et c'est-à-dire, même quand il est lu, n'est plus lu du tout, puisque la continuité dans la lecture est nécessaire, non seulement pour juger d'un ouvrage bien fait, mais pour l'entendre. Un tout petit nombre d'adorateurs zélés, à peine un petit nombre, d'hommes et de femmes aimant à lire composent aujourd'hui un public restreint pour lequel, un peu aussi par habitude, on continue d'écrire. Un auteur de nos jours est un moine qui écrit pour son couvent, isolé dans un petit monde isolé. La littérature est devenue conventuelle. Pour certains, du reste, amoureux de la réputation à petit bruit et délicate, elle n'en est que plus agréable et que plus chère. Mais ce n'est pas de ces ennemis-là que je veux parler. Tout compte fait, il me semble qu'ils ne peuvent être que très utiles. Ils éliminent les faux amis de la littérature, ceux qui ne liraient que s'il n'y avait pas d'autres distractions, ni d'autres passe-temps. Gens par conséquent de très peu de goût, n'ayant pas la vocation, et qui alimenteraient autant la basse littérature que la bonne, et plutôt celle-là que celle-ci. Et ils laissent intacte la troupe de ceux qui sont véritablement nés pour lire. Je crois que la perte est nulle, si tant est même qu'il n'y ait pas gain. Les ennemis de la lecture dont je veux parler, ce sont les tendances, les penchants et les habitudes qui empêchent de bien lire, de lire comme il est utile, profitable et agréable de faire. À l'entendre ainsi, les principaux ennemis de la lecture sont l'amour-propre, la timidité, la passion et l'esprit de critique. La Bruyère, dont le chapitre intitulé « Des ouvrages de l'esprit » contient tout un art de ne pas bien lire, a touché l'un après l'autre tous ces points, et nous n'avons qu'à l'écouter. « L'on m'a engagé, dit Ariste, à lire mes ouvrages, à Zoïl. Je l'ai fait. Ils l'ont saisi d'abord et, avant qu'il ait eu le loisir de les trouver mauvais, il les a loués, modestement, en ma présence, et il ne les a pas loués, depuis, devant personne. Je l'excuse. » Je n'en demande pas davantage à un auteur. Je le plains même d'avoir écouté de belles choses qu'il n'a point faites. Ceci est l'amour-propre, l'amour de soi, la jalousie, empêchant de lire ou de jouir en lisant. Ces sentiments sont tout naturels de la part d'un auteur, et il est en effet bien excusable. Cet écrivain, c'est je crois un Anglais, mais j'ai oublié son nom, disait « Quand je veux lire un bon livre, je le fais ». C'est excellent comme estime de soi. Ce n'est même pas peut-être de l'orgueil proprement dit. Il est très vrai que, quand on est auteur, et bon auteur, on doit nécessairement et sans vanité n'être satisfait que de ce que l'on fait soi-même, puisqu'on a une façon de penser toute particulière qui ne peut guère s'accommoder que d'elle-même. Comment voulez-vous que Corneille puisse trouver bon Racine qui goûte les sujets que Corneille a toujours évités et les manières de traiter les sujets que Corneille très visiblement n'aime point et qui se donne tout entier à la peinture de l'amour, sentiment que Corneille a toujours considéré comme trop chargé de faiblesse pour pouvoir soutenir une tragédie. Il y a une sorte d'incompatibilité d'humeur. Corneille, direz-vous, au moment même de la plus grande vogue de Racine, a fait Psyché. Voulez-vous mon sentiment secret ? Corneille n'a jamais été très fier, ni très satisfait d'avoir écrit Psyché. Comment veut-on que Voltaire, toutes raisons à part d'animosité et d'amour-propre, trouve bonne la nouvelle Héloïse, et bon l'Émile ? C'est proprement, de par la nature différente des esprits, la chose impossible. Les auteurs ont toutes sortes de motifs de ne pas admirer, ni même goûter les ouvrages de leurs confrères, motifs dont l'amour-propre est seulement l'un, duquel, du reste, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est le plus faible. Mais nous qui ne sommes pas auteurs, nous n'avons aucun amour-propre qui nous empêche de lire et de lire de la bonne façon. Si bien, vous n'avez pas remarqué qu'un auteur est un ennemi, il l'est toujours. Il l'est toujours un peu. Si c'est un moraliste, il est un homme d'abord qui s'arroge le droit de se moquer de vous. Vous vous en apercevez toujours, sourdement. S'il est un idéaliste, il vous présente des héros de vertu, de courage et de grandeur d'âme qu'il prétend être, du moins qu'il a l'air de prétendre être, puisqu'il était capable de les concevoir. Quand on peint son héros, on peint son idéal, et l'idéal que l'on a, on se croit toujours un peu, on se croit du moins par moment, de force à le réaliser. Tout au moins, on a quelque air de cela. Poser un héros, c'est un peu se poser en héros. C'est une chose bien insupportable à beaucoup de lecteurs que cet air de supériorité. Si la petite lectrice naïve de roman se dit « Quel beau caractère doit être ce monsieur Octave Feuillet !» et est un peu amoureuse de monsieur Octave Feuillet, pour le même motif, et par contre, l'amour-propre de bien des lecteurs regimbe contre Octave Feuillet et dit en grondant « Cet auteur se donne bien du mal pour me faire entendre qu'il a plus de délicatesse que moi. Quel prétentieux !» Et votre amour-propre est blessé, et votre jalousie s'éveille comme contre quelqu'un qui a plus de succès que vous dans un salon. Inversement, le réaliste vous touche, comme on disait quelquefois au XVIIe siècle, pour ne pas dire tout à fait blessé, ou au moins vous inquiète, quand il peint quelqu'un de ridicule, qui pourrait bien être à peu près vous. Que de lecteurs, ayant compris que Flaubert se moque d'Homais, se sont dit « Se railler d'un homme parce qu'il est anticlérical, ce n'est pas très fort. Après tout, moi, je le suis, je ne suis pas si ridicule. Cet auteur écrit avec correction, mais il est un peu impertinent. » L'amour-propre s'est éveillé et il est en garde. Et dans tous les cas, un auteur blesse ce sentiment profond d'égalité que nous avons tous. Il est un homme qui se détache de la troupe et qui prétend se faire admirer, au moins se faire écouter et nous divertir. Ce n'est pas une petite fatuité. C'est un homme qui, dans un salon, prend la parole. C'est un homme qui, dans un salon, va du côté de la cheminée. Il faut qu'un homme ait bien de l'esprit pour se faire pardonner de s'être dirigé du côté de la cheminée. La première impression est toujours hostile. Il a toujours à vaincre cette première impression. Autant en a à faire l'auteur, quel qu'il soit du reste. Au fond, bien des lecteurs ne pardonnent d'écrire qu'aux rédacteurs des faits divers dans les journaux. Ceux-ci n'ont point de prétention à l'invention, ils n'en ont point à la composition, ils n'en ont point au style. Ils sont utiles. Ils renseignent. Voilà de bons écrivains. Ils ne se font pas centre. Ils ne se donnent point des airs d'hommes supérieurs. Ils ne demandent pas, plus ou moins secrètement, l'admiration. Ils n'excitent aucune jalousie. Voilà de bons écrivains. Les sociétés décidément démocratiques n'en admettront sans doute pas d'autres. Au vrai, si l'on ne s'ennuyait pas, on ne ferait jamais cet acte d'abnégation et d'humilité d'ouvrir un livre. On se contenterait de ses pensées, en estimant qu'elles valent bien toutes celles qu'un autre peut avoir. La lecture est une victoire de l'ennui sur l'amour-propre. Du moment qu'elle est cela, l'auteur est toujours un peu un ennemi, et lui-même a à remporter sur l'amour-propre une victoire. Et donc, l'amour-propre est un ennemi de la lecture, terrible quand il est amour-propre d'auteur, notable encore quand il est amour-propre de n'importe qui. Continuons de lire La Bruyère. Il connaît la question. Il est homme qui a fait un livre et qui a désiré très vivement être lu, et qui était assez intelligent pour comprendre, mieux encore que toute autre chose, les raisons qu'on pouvait avoir de ne le lire point ou de le lire mal. Ceux qui, par leur condition, se trouvent exempts de la jalousie d'auteur ont ou des passions ou des besoins qui les distraient ou les rendent froids sur les conceptions d'autrui. Personne presque, par la disposition de son esprit, de son cœur et de sa fortune, n'est en état de se livrer au plaisir que donne la perfection d'un ouvrage. Et c'est-à-dire qu'un des ennemis de la lecture, c'est la vie même. La vie n'est pas liseuse, puisqu'elle n'est pas contemplative. L'ambition, l'amour, l'avarice, les haines, particulièrement les haines politiques, les jalousies, les rivalités, les luttes locales, tout ce qui fait la vie agitée et violente, éloigne prodigieusement de l'idée même de lire quelque chose. Millevoye, dans sa jeunesse, était commis de librairie. Son patron le surprit lisant. « Vous lisez, jeune homme, vous ne serez jamais libraire. » Il avait raison. L'homme qui lit n'a pas de passion. C'en est la marque. Et il n'aura pas même la passion de son métier. Son métier fut-il de vendre des livres. La plupart des parents n'aiment pas beaucoup le goût de la lecture chez leurs enfants. Chez les petites filles, c'est une menace qu'un jour elles ne lisent des romans, et vous ne vous trompez pas beaucoup sur ce point, elles ne liront guère autre chose. Chez les petits garçons, c'est bon dans une certaine mesure, mais encore, c'est inquiétant. On n'a pas trop de temps pour se faire une position. Tu liras quand tu seras vieux, quand tu te seras tiré d'affaire. il y a bien quelque bon sens là-dedans. Qu'un homme lise, c'est une marque qu'il n'est pas bien ambitieux, qu'il n'est pas tourmenté par le fléau des hommes et des dieux, qu'il n'a pas de passion politique, auquel cas il ne lirait que des journaux, qu'il n'aime pas dîner en ville, qu'il n'a pas la passion de bâtir, qu'il n'a pas la passion des voyages, qu'il n'a pas l'inquiétude de changer de place. Même remarquez qu'il n'aime pas à causer. L'effroyable quantité de temps que les hommes, surtout en France, dépensent à ne rien dire, et c'est à savoir aux délices de la conversation, suffirait à lire un volume par jour, mais empêche qu'on en lise un par an. L'homme qui lit n'a même pas la passion nationale de la conversation, que de passion n'a pas et ne doit pas avoir l'homme qui lit. Et quand on songe qu'une seule suffit pour interdire qu'on soit liseur, on comprend que la Bruyère ou tout autre auteur soit effrayé des obstacles qu'il a à vaincre et du petit nombre de personnes qui restent, non pas pour lire son livre, mais pour n'être pas dans l'impossibilité de l'ouvrir. Un autre obstacle, c'est la timidité, qui du reste est elle aussi une passion. La Bruyère n'a traité ce point qu'indirectement. Il n'a pas dit que la timidité fût un obstacle à lire un livre. Il a dit qu'elle en est un à l'approuver. Bien des gens vont jusqu'à sentir le mérite d'un manuscrit qu'on leur lit, qui ne peuvent se déclarer en sa faveur jusqu'à ce qu'ils aient vu le cours qu'il aura dans le monde, par l'impression, ou quel sera son sort parmi les habiles. Ils ne hasardent point leur suffrage. Ils veulent être portés par la foule et entraînés par la multitude. Ils disent alors qu'ils ont les premiers à prouver cet ouvrage et que le public est de leur avis. Un certain manque de courage à donner son avis est donc une cause que le bon ouvrage n'est pas tout de suite le succès qu'il mérite. Il est très vrai. Mais je dis que la timidité du lecteur est cause aussi qu'un ouvrage n'est pas autant lu qu'il en serait digne. Certains lecteurs, en effet, par une sorte de timidité, sont toujours des lecteurs en retard. Ils attendent non seulement pour approuver, mais pour lire, que le suffrage du public se soit prononcé. Non seulement pour un livre, mais pour un auteur. Et beaucoup ne lisent un ou plusieurs ouvrages d'un homme que quand il est passé grand écrivain dans l'estime de tout le public, ou quand il a été nommé de l'Académie française, ce qui, du reste, n'est pas tout à fait exactement la même chose, ou quand ils apprennent sa mort. Ses lecteurs nécrologiques sont assez nombreux. Il s'ensuit que ses lecteurs à la suite n'ont pas d'élan, d'ardeur, de ferveur, ni de vraie joie. Non seulement ils ne vont pas à la découverte, ce qui est un des plus grands plaisirs de la lecture, mais ils lisent dans un temps où, de quelque caractère durable que soit le livre, et dût-il être immortel, il n'a plus sa nouveauté, sa fraîcheur, son duvet, sa concordance avec les circonstances qui, sans l'avoir fait naître, ont contribué du moins à sa formation, et surtout lui ont donné en partie sa couleur. Le plaisir de lire un livre suranné est toujours un peu languissant. Il est plus que celui de lire un livre très ancien. Le livre très ancien est franchement d'un autre temps. Il a tout son caractère archaïque. Il peut plaire pleinement ainsi. Il peut n'en plaire que davantage. Il en est de cela comme des modes. Ce n'est pas la mode d'il y a 20 ans qui est ridicule. C'est celle d'il y a 2 ans. Celle d'il y a 20 ans est ancienne. Celle d'il y a 2 ans date. Elle est surannée. Celle d'il y a 20 ans est entrée dans l'histoire. Celle d'il y a 2 ans n'est pas entrée dans l'histoire et est sortie de l'usage, et son ridicule est de se donner, ou d'avoir l'air de se donner comme étant encore dans l'usage, alors qu'elle en est sortie. Il en est de même des livres qui ont 10 ans, et qui n'ont pas l'avantage d'en avoir 50. Vous avez remarqué qu'après la mort de tous les grands écrivains, il y a une dépréciation de quelques années. C'est qu'aux yeux de la génération qui existe à ce moment-là, l'écrivain qui vient de disparaître est suranné. Il était un peu vieux, on en avait assez de sa manière. Quelques années après, il a pris la place qu'il doit garder, ou à peu près, car il y a toujours des fluctuations, qu'il doit garder indéfiniment. Dans ma jeunesse, 20 ans après 1848, Chateaubriand était ridicule. Il est remonté sur le trône vers 1875, et il y reste. Être un lecteur retardataire est donc dangereux. C'est se préparer une série de déceptions. C'est se réserver de lire toujours les auteurs dans un certain refroidissement de la température. « Employez vite ce remède pendant qu'il guérit », disait un médecin, non pas sceptique, mais qui savait très au juste en quoi consiste la thérapeutique, qui est surtout une suggestion. « Lisez cet auteur pendant qu'il est bon », dirais-je. « Plus tard, il deviendra mauvais. Plus tard encore, il est possible qu'il redevienne bon. Mais alors, vous ne serez plus là pour le lire. N'attendez pas pour faire commerce avec lui le moment intermédiaire où il sera mauvais. Cette sorte de timidité qui fait le lecteur retardataire est un des grands ennemis du plaisir de la lecture. Son plus grand ennemi encore, c'est l'esprit critique, entendu dans un certain sens du mot. Et je prie qu'on attende pour bien entendre ce que je veux dire par là. Je suis forcé ici d'être un peu long. La Bruyère a écrit une ligne qui est la plus fausse du monde, comprise comme nous la comprenons infailliblement de nos jours, très juste dans le sens où très probablement il l'a entendu lui-même. Le plaisir de la critique nous ôte celui d'être vivement touché de très belles choses. C'est précisément le contraire, répondra immédiatement l'homme de notre époque. Comment La Bruyère peut-il écrire cela, Boileau vivant ? Si Boileau a été touché plus vivement que personne des belles choses de Racine, c'est précisément parce qu'il était critique et parce qu'il jouissait d'autant plus des belles choses qu'il était plus horripilé des mauvaises. Qui a plus vivement, qui a plus passionnément joui des belles choses que Sainte-Beuve ? Et pourquoi ? Parce qu'il avait affiné son goût critique par une immense lecture méditée, parce qu'il avait toujours lu en critique. La critique n'est pas autre chose qu'un exercice continu de l'esprit, par lequel nous le rendons apte à comprendre où est le faux, le faible, le médiocre, le mauvais, et à être très sensible au faux, au faible, au médiocre et au mauvais, grâce à quoi nous le sommes pareillement au vrai et au beau, et infiniment plus que nous ne l'eussions été sans cet exercice. Le lecteur qui ne lit pas en critique, bon esprit du reste et juste, mais qui ne réagit point, ne fait pas une extrême différence entre Racine et Campistron, entre Rousseau et Diderot, et entre Diderot et Helvétius. Il ne fait pas, dans le même auteur, de grande différence entre un ouvrage et un autre, entre Le Misanthrope et Le Mariage forcé. La lecture est pour lui un plaisir passif, pour mieux parler, un plaisir uni, sans accident, sans montées et sans descentes, sans grandes émotions, sans transport d'admiration et sans irritation vive, sans émotion, pour tout dire d'un mot. Le lecteur qui lit en critique se prive à la vérité de plaisirs médiocres ou moyens, mais c'est la rançon. Et par compensation de cette perte, il se prépare des plaisirs exquis quand il découvrira l'œuvre exquise. Ce ne sont donc pas les très belles choses dont il se prive, ce sont les très belles choses que d'avance il met à part en se mettant en état, quand il les trouvera, de les démêler du premier coup avec un cri d'amour et de gratitude. Au fond, il ne faut pas dire qu'il n'y a que les critiques qui ne jouissent pas. Il faut dire qu'il n'y a que les critiques qui jouissent vivement. Le lecteur critique est le lecteur armé, armé d'armes défensives. On ne l'emprisonne pas, on ne le garrotte pas du premier coup, ni facilement. Mais précisément à cause de cela, quand on le charme, c'est avec l'ivresse du plaisir qu'il laisse tomber toutes ses armes. Ce n'est pas à dire, et Nietzsche a d'excellentes remarques sur ce point, que le lecteur doive être armé tout d'abord en ouvrant le livre, ni le spectateur tout d'abord en voyant la toile se lever. Il faut d'abord se livrer, vouloir se livrer par méthode. Nietzsche dit très bien l'amour en tant qu'artifice. Qui veut apprendre à connaître réellement quelque chose de nouveau, que ce soit un homme, un événement, un livre, fait bien d'adopter cette nouveauté avec tout l'amour possible, de détourner résolument sa vue de ce qu'il y trouve d'hostile, de choquant, de faux, même de l'oublier. Si bien qu'à l'auteur d'un livre, par exemple, on donne la plus grande avance et que, d'abord, comme dans une course, on souhaite, le cœur palpitant, qu'il atteigne son but. Par ce procédé, on pénètre en effet la chose jusqu'au cœur, jusqu'à son point émouvant. Et c'est justement ce qui s'appelle apprendre à connaître. Rien de plus juste, rien de plus certain. Il faut toujours d'abord être sympathique. La sympathie est la clé par laquelle on entre. Mais Nietzsche ajoute tout de suite, une fois là, le raisonnement fait après coup ses restrictions. Cette estime trop haute, cette suspension momentanée du pendule critique, n'était qu'un artifice pour prendre à la pipée l'âme d'une chose. Il faut donc être un lecteur armé, qui désarme par méthode et pour comprendre, qui reprend ses armes pour discuter, qui désarme enfin de nouveau quand l'examen critique lui a prouvé qu'il est en face d'une chose dont la vérité ou la beauté est indiscutable. Mais, tout compte fait, il faut être un lecteur critique ayant seulement les méthodes de la critique juste dans tous les sens de ce mot. La contre-épreuve de ceci, c'est l'esprit critique chez l'auteur lui-même. L'auteur doit avoir l'esprit critique. Il doit l'exercer tout juste avec les méthodes et les démarches mêmes que nous venons de voir que doit observer le lecteur. C'est ici, ce me semble bien, que Nietzsche a erré. Il paraît croire que l'artiste ne doit pas du tout être critique de lui-même. C'est ce qui distingue l'artiste du profane qui est réceptif. Celui-ci atteint les points culminants de sa faculté d'émotion en recevant, celui-là en donnant, en sorte qu'un antagonisme entre ces deux prédispositions est non seulement naturel, mais encore désirable. Chacun de ces états possède une optique contraire à l'autre. Exiger de l'artiste qu'il s'exerce à l'optique du spectateur, du critique, c'est exiger qu'il appauvrisse sa puissance créatrice. Il en est de cela comme de la différence des sexes. Il ne faut pas demander à l'artiste qui donne de devenir femme, de recevoir. Notre esthétique fut, jusqu'à présent, une esthétique de femme, en ce sens que ce sont seulement les hommes réceptifs à l'art qui ont formulé leurs expériences au sujet de ce qui est beau. Il y a là, comme l'indique ce qui précède, une erreur nécessaire. Celle de l'artiste, car l'artiste qui comprendrait se méprendrait. Il n'a pas à regarder en arrière, il n'a pas à regarder du tout, il doit donner. C'est à l'honneur de l'artiste qu'il soit incapable de critiquer. Autrement, il n'est ni chair ni poisson, il est moderne. Par moderne, Nietzsche entend ces artistes qui précisément sont très intelligents, sont très critiques, raisonnent de leur art, surveillent leur art et font exactement ce qu'ils veulent faire. Le type pour moi en est Virgile ou Racine. Le type pour Nietzsche en est Euripide, non sans raison, ou Lessing. Il dit sur eux avec une singulière pénétration: Euripide se sentait, certes, en tant que poète supérieur à la foule, mais non pas à deux de ses spectateurs. Deux seuls, il écoutait la valable sentence portée sur son ouvrage, ou la réconfortante promesse de victoire future lorsqu'il se voyait encore une fois condamné par le tribunal du public. De ces deux spectateurs, l'un est Euripide lui-même, Euripide en tant que penseur et non pas en tant que poète. On pourrait dire de lui que, à peu près comme chez Lessing, l'extraordinaire puissance de son sens critique a sinon produit, au moins fécondé sans cesse, une activité créatrice, artistique, parallèle. Doué de cette faculté, il s'était assis dans le théâtre et avait étudié ses grands devanciers. Il y trouve de l'énigmatique et du mystère. Même dans le langage de l'ancienne tragédie, il y avait pour lui beaucoup de choses choquantes, tout au moins inexplicables. C'est ainsi qu'assis dans le théâtre, il réfléchissait longuement, inquiet et troublé. Il dut s'avouer, lui, le spectateur, qu'il ne comprenait pas ses grands devanciers. Dans cette angoisse, il rencontra l'autre spectateur, Socrate, qui ne comprenait pas la tragédie, et pour ce motif la méprisait. Délivré de son isolement, en s'alliant à celui-ci, il put oser entreprendre une guerre monstrueuse contre les œuvres d'art d'Eschyle, de Sophocle. Et cela non par des ouvrages de polémique, mais par ses œuvres de poète dramatique opposant sa conception de la tragédie à celle de la tradition. Voilà donc le poète conscient, le poète qui comprend, le poète qui analyse, le poète qui est mêlé d'un critique et qui fera exactement ce qu'il aura voulu faire. Nietzsche ne l'aime pas, sans doute. Nietzsche ne le voit pas comme type du grand poète, lequel est tout instinct, et ne doit pas regarder en arrière, et ne doit rien regarder du tout. Mais cependant, il l'admet. Il va jusqu'à dire que son extraordinaire puissance de sens critique a, sinon produit, du moins fécondé sa faculté créatrice. Le poète est donc quelquefois mêlé d'un critique, dont l'office est d'abord de démêler ce que veut le poète et de l'avertir de ce qu'il veut. Ce que tu veux obscurément, le voici clairement. Tu veux ceci. Dont l'office est ensuite de surveiller le travail de l'artiste et de l'avertir qu'il ne fait pas ce qu'il veut et ce qu'il a voulu. Le poète est quelquefois mêlé de ce critique-là. Mon opinion est même qu'il l'est toujours. Victor Hugo, qu'on pourrait si bien soupçonner de manquer de sens critique, en a puisqu'il se corrige, et puisqu'il se corrige toujours bien, comme l'étude de ses manuscrits le prouve. Un poète est un poète uni à un critique d'art et travaillant avec lui. Mais travaillent-ils ensemble en même temps ? Point du tout, et c'est cela qui est impossible. Si dans l'artiste, le critique intervenait pendant que l'artiste travaille, c'est alors que seraient absolument vraies les paroles de Nietzsche. L'artiste appauvrirait sa puissance créatrice, il la dessécherait même, et deviendrait incapable de rien produire. Non, quand l'artiste travaille, il doit s'abandonner à sa faculté créatrice. Il ne doit pas regarder en arrière, ni nulle part, il doit donner. Le mot de l'ancienne langue française, « donner », dans le sens de marcher impétueusement en avant, est admirable. Mais plus tard, le critique intervient et il juge, il compare et il raisonne. Il contraint l'artiste à distinguer ce qu'il a fait de ce qu'il a voulu faire. Il l'amène à se corriger. Il juge des corrections. Et enfin, il donne son approbation et même son admiration devant la vérité ou la beauté définitivement atteinte. Or, s'il en est ainsi, remarquez-vous les coïncidences entre les démarches du lecteur et du poète. Elles sont identiques. Le lecteur doit s'abandonner d'abord à une sympathie instinctive ou voulue pour l'auteur. Le poète doit s'abandonner d'abord à son inspiration, à sa verve, à sa foi en lui, à sa sympathie pour lui-même en tant qu'artiste. Le lecteur doit ensuite se faire critique, raisonner, comparer, juger, discuter. L'auteur doit ensuite se faire critique, réveiller le critique qui est en lui, examiner, comparer, raisonner, discuter, juger. Le lecteur doit enfin admirer, s'il y a lieu, ce qui a comme passé successivement par sa sympathie et par sa critique. L'auteur doit enfin approuver et même admirer, s'il y a lieu, ce qu'il a conçu dans la foi et dans l'amour, ce qu'il a contrôlé et redressé ensuite à l'aide de son sens critique. Foi, critique, admiration. Il y a trois phases qui sont les mêmes que, et le lecteur et le poète, doivent traverser successivement pour arriver l'un à la pleine admiration, l'autre à la pleine réalisation du vrai ou du beau. Si tout cela est vrai, ne l'est-il pas que la critique est toujours là quand il s'agit d'œuvres d'art, tant pour prendre possession du beau que pour le créer ? Qu'il faut que le lecteur soit critique, puisqu'il faut que l'auteur le soit, et qu'il faut que le poète le soit, puisque le lecteur doit l'être. Et si l'auteur doit l'être lui-même, ce que Nietzsche lui-même avoue, n'est-il pas vrai à plus forte raison qu'il faut que le lecteur le soit pour son plus grand plaisir, qui est l'admiration intelligente, l'admiration consciente, l'admiration qui sait pourquoi elle admire ? Donc, que devient le mot de la Bruyère ? Il est absolument faux. Ainsi parlera un homme qui prendra le mot critique dans le sens où tout le monde le prend aujourd'hui. Seulement, il est infiniment probable que la Bruyère lui-même ne l'a pas pris du tout dans ce sens. De son temps, esprit critique signifiait le plus souvent esprit de dénigrement, ou tout au moins esprit de mécontentement. Quand Boileau dit « gardez-vous », dira l'un, de cet esprit critique, il veut dire, on le sent assez, « gardez-vous de cet épigrammatiste ». La Fontaine, dans sa fable, contre ceux qui ont le goût difficile, emploie le mot critique dans le même sens. Molière, de même, un cagot de critique, car il contrôle tout ce critique zélé. Dès lors, si la Bruyère l'emploie dans ce sens, ce que l'on voit qui est probable, la Bruyère a raison. Ce qui empêche de jouir des belles choses, c'est l'envie de les trouver mauvaises. Il n'y a rien de plus incontestable. Cette envie est très naturelle. En dehors même de cette impatience des supériorités dont j'ai parlé plus haut, l'instinct de taquinerie est une des formes de l'instinct querelleur, qui est extrêmement fort dans l'humanité. Je ne suis pas tout à fait de l'avis de Voltaire sur ce point. En quittant Poco Curante, Candide dit à Martin « Voilà le plus heureux de tous les hommes, car il est au-dessus de tout ce qu'il possède. » « Ne voyez-vous pas, dit Martin, qu'il est dégoûté de tout ce qu'il possède ?» Platon a dit, il y a longtemps, que les meilleurs estomacs ne sont pas ceux qui rebutent tous les aliments. Mais, dit Candide, n'y a-t-il pas du plaisir à tout critiquer, à sentir des défauts là où les autres hommes croient voir des beautés ? C'est-à-dire, reprit Martin, qu'il y a du plaisir à n'avoir pas de plaisir ? Au fond, je suis très bien de l'avis de Martin. Cependant, il avait tort de croire absolument qu'il n'y a pas de plaisir à n'avoir pas de plaisir. Il y en a. Il y a précisément la jouissance qu'on éprouve à n'être de l'avis de personne. D'abord, c'est une attestation de supériorité que l'on se donne. Que d'autres admirent tel ouvrage, c'est affaire à eux. C'est bien pour eux qu'il est écrit. Ils sont à sa hauteur, parce qu'il est à leur niveau. Mais moi... Je me rappelle encore de quel air un de mes amis, voyant la dame aux camélias affichée, me désignait l'affiche du bout de sa canne et me disait « C'est beau, cette pièce-là ». Cela voulait dire « Je suis parfaitement sûr que tu es assez philistin pour trouver cela beau ». Or, croyez-vous que cet homme ne jouissait pas ? Il jouissait de toute son âme. Ensuite, c'est le plaisir d'offenser, de provoquer, c'est l'instinct de lutte. On connaît assez l'homme qui, en politique, est toujours de l'opposition. C'est un homme qui n'aime pas à approuver, et qui n'aime pas à approuver parce qu'il aime la dispute, la contradiction, la provocation, le défi, le regard hostile, cherchant le regard hostile. Le mécontentement, c'est le désir de mécontenter. Le poco courante, en littérature, est un mécontent qui veut surtout qu'on soit, autour de lui, mécontent de son mécontentement. Maint homme est heureux de voir autour de lui des visages renfrognés. Et qui le sont parce qu'il a voulu qu'ils le soient. C'est une volonté de puissance. Et enfin, peut-être surtout, le poco courantisme est un désir de se rendre témoignage à soi-même que l'on n'est pas dupe. De même que l'honnête homme est satisfait d'avoir vu clair dans le manège d'un charlatan et de n'être pas tombé dans ses pièges, de même, le poco courante considère les artistes, les auteurs, les poètes et les jolies femmes comme des thaumaturges et faiseurs de prestige qui empaument adroitement l'humanité. L'humanité, soit, mais non pas lui. On n'a pas raison de lui si facilement. Il sait se défendre. Il n'a même pas besoin de se défendre. Il est inaccessible. Il voit clair dans le jeu et on ne lui en donne pas à garder. La satisfaction de n'être pas dupe se mesure à l'horreur que l'on a de l'être. Et cette horreur est infinie chez quelques hommes. La Bruyère a très bien indiqué pourquoi l'on a honte de pleurer au théâtre, tandis que l'on n'a point honte d'y rire. Est-ce une peine que l'on sente à laisser voir que l'on est tendre et à marquer quelques faiblesses, surtout en un sujet faux et dont il semble que l'on soit la dupe ? Assurément, c'est cela. Tandis que pour ce qui est de rire, on s'y laisse aller plus facilement parce qu'on est moins dupe et l'on fait moins figure de dupe en riant qu'en pleurant. Le rire vous laissant toute liberté d'esprit. Et les pleurs marquant qu'on l'a perdu, et qu'on est pénétré jusqu'au fond, et possédé par le sujet et par l'auteur. Encore, l'on sait fort bien que les esprits forts et les esprits délicats ne rient pas plus qu'ils ne pleurent, et, quand il y a matière à hilarité, se contentent de sourire. Rire à gorge déployée n'étant pas beaucoup moins que pleurer, signe que l'on est conquis et en possession de l'auteur. Tout de même, ou à peu près tout de même, admirer, c'est avouer que l'on est ébloui, fasciné, étourdi par le talent, l'habileté, l'adresse, la rouerie d'un auteur. On n'aime pas beaucoup avouer cela. Voilà au moins quelques éléments de cet esprit critique dont parle la Bruyère, et entendu comme il l'entend. Or, Martin a-t-il bien raison quand il dit « le plaisir de s'empêcher d'avoir du plaisir » ? Non, pas tout à fait. Car le poco courante ne s'empêche point d'avoir du plaisir. Il va bel et bien en chercher où il peut en trouver. Il se refuse le plaisir de l'admiration, sans doute, mais pour s'en donner un plus aigu et plus pénétrant, qui est de se contempler n'admirant point et de se féliciter de n'admirer pas. N'en doutez point, Martin, c'est toujours son plaisir qu'on cherche, et c'est-à-dire une activité psychique conforme au caractère que l'on a. Mais si l'on a comme le choix, si, avec des penchants, comme tous les hommes, à l'orgueil, à la taquinerie, à la dispute, au désir de se distinguer, à l'horreur d'être dupe, on en a aussi à l'admiration, ou simplement au plaisir de goûter les belles choses. Il vaut certainement mieux incliner de ce dernier côté, et, si vous êtes ainsi partagé, je vous dirai, considérez le plaisir de la critique comme le plus grand ennemi et le plus dangereux de la lecture, et faites-lui bonne guerre. Le plaisir de la critique, dans le sens où l'entend la Bruyère, est juste aussi funeste à la lecture que l'esprit critique, dans le sens moderne du mot, lui est utile. Amour-propre, passions diverses, timidité, esprit de mécontentement, tels sont les principaux ennemis de la lecture, à ne compter que ceux que nous portons en nous. on voit qu'ils sont nombreux, et l'on a vu qu'ils sont assez terribles. Il faut se tenir en garde contre eux, si l'on ne veut pas se préparer une vieillesse triste, puisque les livres sont nos derniers amis, et qui ne nous trompent pas, et qui ne nous reprochent pas de vieillir.